regardant à travers la fenêtre, je me dis en rêvant que la vie est brève. Tous ces nuages qui traversent le ciel, croisant parfois un vol d'hirondelle, ne se doute pas qu'en bas on réfléchit tant que ça. Prenons la vie du bon côté, oublions nos soucis, prenons un peu le temps de rêver à un endroit où il fait bon vivre, où l'on prend enfin le temps de sourire à ses amis, à la vie et pourquoi pas au ciel gris. Pour me sentir bien, j'essaye de voir la vie en rose, comme les fleurs de mon jardin que tous les jours j'arrose, car elles sont finalement un peu comme vous et moi, cherchant parmi tant d'endroits ce qu'il y a juste devant soi. Car c'est vrai, malheureusement, que l'on cherche de tous les côtés ce qui se trouve bien souvent juste sous notre nez. Quant à celui qui a dit que l'herbe serait plus verte dans le champ d'à côté,